Psaume 133. Cantique de Mahalot, de David. Voici, oh, que c'est une chose bonne, et que c'est une chose agréable, que les frères s'entretiennent, qu'ils s'entretiennent, dis-je, ensemble. C'est comme cette huile précieuse, répandue sur la tête, laquelle découle sur la barbe d'Aaron, et qui découle sur le bord de ses vêtements. Et comme la rosée d'Hermon, et celle qui descend sur les montagnes de Sion, car c'est là que l'Éternel a ordonné la bénédiction et la vie, à toujours.